Fou 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fou d'exploration. Vous êtes dans la zone 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Et sur cfou.ca. Fou de différence. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Hey, c'est quoi ce poste-là? Puis quand est-ce que l'ascenseur arrive à mon étage? Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On accueillera une nouvelle chroniqueuse plein air, Catherine Langlois du club plein air UQTR. On apprendra plein de choses tout en restant à l'intérieur et c'est un fait. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en solo, 19 octobre 2015, 190 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très très bien. Je pensais que l'hiver serait commencé aujourd'hui, je pensais qu'on commençait l'émission sous la neige, mais finalement, on s'en sauve encore. Ben moi, ce matin, j'ai quand même dû déglacer dégivrer ma voiture de façon assez exceptionnelle. Là. Il y avait quand même une bonne couche. Ouais. Je pense qu'on n'a pas eu grand automne, Mathieu. Non, pas vraiment, on dirait que je pense. Ouais. Je me rappelle, vendredi dernier, j'étais en petite veste quand je m'en venais parce que j'ai tout le temps chaud. Bon, ça, c'est moi qui est spécial, mais j'étais en veste. Là, je me suis dit, en fait, je vais mettre ma veste d'automne, mon manteau d'automne de printemps. T'sais. Non, non. Là, ce matin, mon zipper a pété bon. Sur ma veste, mais finalement, ça va être correct. Je vais mettre mon manteau d'hiver là-bas pareil. Ben oui, de toute façon, tu sais. On est correct. Il fait froid, là, tu sais, juste présentement, il fait, OK, peut-être, ça dit 16. Dans le studio, ouais. Parce que ce matin, à la météo, ça disait 4. Ah, donc le bulletin météo de C'est fou dit juste 4. Ouais. C'est comme très froid. C'est comme les numéros à la banque quand ils t'appellent. C'est juste 4. Oui, ouais. Même affaire. C'est ça. Bref, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Bienvenue à vous qui nous écoutez tous les matins. Bienvenue à vous qui nous synthonisez peut-être pour la première fois. Je sais qu'il y a des stages qui commencent cette semaine. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de stages. Ça peut arriver, donc peut-être devez-vous vous lever à l'heure où nous levons d'habitude. Nous, et t'sais. Voilà. Fait qu'un petit peu de compassion, s'il vous plaît, envers vous et envers nous. Et aujourd'hui à l'émission, on a une seule chroniqueuse, mais elle est nouvelle, donc on va vraiment en profiter le plus longtemps possible. C'est Catherine Langlois du club plein air UQT. Air, comme de l'air. On a hâte de l'accueillir dans les studios. Oui, ça va faire très, très changement de Charles-Antoine les années précédentes. Très, très viril, grand gaillard. Et nous voilà avec une dame. Eh bien oui. Une dame. Donc à 9h, Catherine Langlois. Autour de ça, on va avoir bien sûr ta chronique à toi. Tania, oui. Is gonna entertain you. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est jour d'élection. Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, je me suis dit que j'allais faire quelque chose en lien avec ça. Tu vas parler de la voix. Non, je vais vous dire que je parle de films, mais j'en dis pas plus pour le moment. Est-ce que c'est des films avec genre un président américain? Est-ce que c'est genre Independence Day avec Will Smith? Tu vas voir. On va voir, donc... On va voir tantôt. On va faire ça plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Et comme on est lundi, ben on fait « C'est un fait ». C'est un fait. Parce qu'il faut apprendre dès le début de la semaine, on remet pas ça plus tard. C'est toujours mieux de même. Toujours mieux, exactement. S'ouvrir grand le cerveau. Après ça, on se l'éteindra en parlant de cinéma. Hein? Ben ouais. C'est pas des films qui portent à réfléchir. Je veux savoir! Ça n'est pas! Ok. on se retente. Pour l'instant, on écoute une pièce que tu as choisie de Metric. Oui, qui, si je me souviens bien, est Fortunes. Je peux te le dire, attends oui. un peu, on va aller voir. Dis-moi si c'est bien ça. Si tu m'as dit mettre la 4, c'est pas Fortunes, c'est Celebrate. Celebrate, ben oui. Je pense Fortunes, c'est la 3 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est la 2. Bon. Est-ce que tu veux la 2 ou la 4? Ah, c'est comme tu veux. Non, on a le temps ce matin, alors... Est-ce que tu veux qu'on joue les deux? Ah, oh, on pourrait bien faire ça. On va faire un spécial, on va jouer les deux. Commençons par... Mettre beaucoup de musique dans les oreilles de nos auditeurs ce matin. Ben, on est lundi, hein? On se fait un petit spécial Matrix un matin. En voiture, tu vas pouvoir te faire hacher la tête, à l'heure de te faire hacher la tête. Et voilà. Hacher la tête, t'as dit? C'est ça, non? C'est, ça que c'est bien ce que t'as dit. OK. I'll be standing tall. Pas le temps de célébrer. Mais non, elle n'a pas le temps. C'est la vie, malheureusement. Metric qui Celebrate à Assemblage Rookie. Alors, on ne jouera pas les deux aujourd'hui parce que finalement, ça nous prendrait 10 minutes d'émission. Oui, pour parce le faire. Qu'il y en a une qui était beaucoup plus longue qu'on croyait, c'est finalement. Ça. On la jouera demain. Mais oui. Si tu veux. Parce qu'il faut garder du temps pour apprendre des choses. Oui, on apprend ce matin. Voici, le c'est lundi. Un fait. Lundi, c'est un fait. Mondays, it's a fact. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Oh, choriste. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Pam, pam, pam. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables d'Assemblage Requis, évidemment selon Internet. Oui. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Pour ceux qui ont de légers doutes, je vous comprends, par moment. Connais-tu Ken Allen? Non. Ça m'aurait surpris parce que ça, c'est un orang-outan. Okay. Si tu m'avais dit oui, j'aurais dit pas sûr. Pas certain. Je pense qu'il fait semblant. Ouais. Ken Allen, entre 1971 et 2000, c'est ses années d'existence. Oh. Un orang-outan du zoo de San Diego, ça vivra pas toute la vie, là. Ben non, mais c'est sûr que non. C'est tout déçu, il a vécu presque 30 ans. Quand même. Calme-toi, là. Je sais pas, ça dure pas que ça dure. Ça dure combien de temps? La date de péremption d'un orang-outan, ouais, c'est quand? Ça. Non, mais la durée de vie d'un singe, maintenant. Fais-nous les recherches pour l'instant. Ben donc, oui. Un orang-outan du zoo de San Diego, non seulement est-ce qu'il a réussi à s'échapper du zoo trois fois, okay, mais ses amis ont commencé à suivre son exemple et à se sauver eux aussi. Il était plus intelligent que les gardiens de zoo, apparemment, même quand il faisait semblant d'être des visiteurs. OK. Des orang-outans qui faisaient semblant d'être des visiteurs, ben du oui. zoo. Pendant ses échappées, Ken faisait juste se promener dans le parc, regardant les autres animaux. Il se promenait comme ça. Hey, waouh, c'est un pélican. Ouais, ouais, wow, mais c'est... lui, pas le goût de rester dans la cage, là. Non, c'est ça, mais il se faisait passer pour un humain. C'est quand même sympathique. Vous allez voir ses chumés à cage à Lyon. C'est ça, à cage brasserie sportive. C'est ça. T'as tout compris. Avec les nouveaux nouvelles rondelles d'oignon, ça a l'air écœurant. Ensuite, l'auteur George Burns, George Brûlure, oui, a écrit un livre. Je me suis fait rire à délai. A écrit un livre, Comment vivre jusqu'à l'âge de 100 ans, quand il avait 87 ans. Il est né en 1896 et il est mort en quelle année, Tania Baudin? 1996. En 1996, exactement, jusqu'à 100 ans. Son il livre a quand même pas, réussi, oui, c'est ça. C'est ça, comment aller plus loin. Il aurait dû écrire une suite, Comment dépasser 100. Mais il bon. Était peut-être plus capable d'écrire. C'est ça, il a donné son 100%, exactement 100% de ce qu'il a promis. Donc, il y a une entrevue avec George Burns disponible sur assemblagerequis.com. L'intervieweur lui demande « Est-ce que c'est vrai que tu bois des martinis tous les jours? » Burns dit « C'est vrai. » L'intervieweur dit « Est-ce que c'est vrai que tu fumais 10 à 15 cigares par jour et qu'est-ce que ton docteur en pense? » Burns a dit « Ben, mon docteur, là, il est mort. » C'est un bon point. J'avoue que ça, tu scores des points quand tu réponds ça. Hein? C'est dans j'ai mes dents. Réussi à faire ce que mon médecin m'a dit de pas faire. Ouais. Sur une île en Indonésie, si un enfant meurt avant d'avoir commencé à faire ses dents, Tania, t'es en train de faire tes dents, toi, on sait? Oui, j'ai des dents de sagesse qui poussent, alors bon. Je suis en train de faire mes dents. Ben, tu vas t'en sortir, j'aurais pas à te faire ce que les enfants font s'ils meurent avant de commencer à faire leurs dents. Le bébé est placé à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Ah! Qui est en train de pousser l'arbre. Le trou est ensuite scellé. Et alors que l'arbre commence à se guérir, si on veut, on pense que l'enfant se fait absorber par le tronc. Et il y a des douzaines de bébés qui sont enterrés dans un seul arbre. C'est bizarre. C'est un peu étrange, voire même très, très dégueulasse. Ouais, mais c'est une coutume, tu sais. On juge pas ça. Hein. Non, on juge pas. Non. Mais c'est quelque chose. Dans un arbre, au moins, ils sont. Tu sais, les enfants, probablement, ben, sont déjà morts. Fait que c'est pas comme si tu le brûlais ou que tu faisais juste l'enterrer vivant, bah t'sais, l'enterrer fraîchement mort, genre dans un trou. Non, je sais, mais on s'entend que c'est un peu dégueu aussi, juste d'enterrer le monde dans terre. On s'entend que la tradition d'enterrer. Ouais, mais on les met dans des cercueils. Ouais, mais on s'entend. Ça reste que c'est du bois. Ouais. Ça reste dégueu. Moi, personnellement, je comprends pas la différence entre les mettre dans un arbre, les mettre dans un cercueil, dans un trou dans la terre. Okay. Ça a autant pas de sens pour moi, t'sais. Okay. Donne leurs organes, t'sais. Parce qu'il faut qu'ils servent à quelque chose. Mais ça, c'est chacun son opinion là-dessus, ça. Oui. Ça, c'est super, genre, pas en faute. C'est ça. On n'a pas un débat là-dessus, on n'est pas à Génial Libre. Bref, tu connais Benjamin Franklin? Là, lui, c'est pas un orang-outan. Fait que tu peux le connaître. Oui. Donc, Benjamin Franklin, qui a jamais breveté aucune de ses inventions, Tania. Lui, son raisonnement, c'était que on devrait pouvoir savourer les avantages des inventions des autres et qu'on devrait être fier et heureux d'avoir eu l'opportunité de servir les autres par nos inventions. Ça devrait être fait librement, généreusement et gratuitement. Ben oui! Bon, comme c'est donner ses organes. C'est sûr que rendu en 2015, il passerait pas de même, hein? Non, j'avoue, c'est ça. Et où la pièce? Et voilà. Où est-ce que Shing fait la pièce? C'est ça. C'était donc Benjamin Franklin. En 2007, un soldat de l'armée britannique nommé Derek Derenalagi, bien sûr, a été déclaré mort après avoir été pris dans une explosion en Afghanistan lorsque son corps était en train d'être lavé pour pouvoir le mettre dans un sac, tu sais, un sac... corporel quand quelqu'un est mort et qu'on doit l'analyser plus tard Oui. Ils l'ont mis dans un sac avec une fermeture éclair, contrairement à mon manteau de printemps. Qui en a ouais, c'est ça, que toi, t'en as plus. Donc, ils ont remarqué qu'il avait un pouls. OK. Pas l'animal, évidemment. Ouais. Donc, on l'a amené à l'hôpital et puis il s'en est remis. Et finalement, ça va te rappeler une histoire qu'on a fait il y a 2 semaines ou 1 semaine environ. Il a participé aux Paralympiques de 2012. Ah! C'est cool, pareil. Il s'en est tellement remis qu'il a joué aux Paralympiques. C'est bien. Ça dit pas qu'il a gagné, donc sûrement qu'il a non, pas gagné, mais quand même. Après une carrière qui a duré plus de 50 ans, Jackie Chan. Ah, Jackie Chan, il est encore vivant? Oui, il est encore vivant, Jackie Chan. Oui, OK. Jackie. Jackie Chan, on va t'appeler Jackie Chan. C'est Tania, bon. Donc, Jackie Chan a le record mondial, selon Guinness, pour le plus de crédits, donc le plus de mentions au générique dans un seul film et le plus de cascades faites par un acteur vivant. Il n'y a aucune compagnie d'assurance qui veut assurer les cascades, les productions en fait de Chan, donc il est souvent forcé à faire ses propres cascades lui-même. Eh ben. Je ne savais pas qu'il est Moses. Il a plus de 50 ans. Non, sa carrière a plus sa de 50 carrière, ans. Sa carrière, il ne sûrement pas commencé en sortant directement de son tronc d'arbre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Il a l'air tout jeune, oui, Jackie. Tellement. Un bon Jack. Ouais, c'est ça. Littéralement. C'est ce qu'il dit. Il y a un livre qui a été publié ou édité puis il y a plus de 30 ans qui contient des dessins super cryptiques, tu sais, codés. Mm-hmm. Et des versets, donc j'imagine des comme dans la Bible, ce qui, dans le fond, c'est des indices qui montrent l'endroit où est caché chacun de 12 trésors aux États-Unis. Et il y en a seulement 2 qui ont été trouvés jusqu'à maintenant, donc 12 trésors cachés, un livre publié il y a plus de 30 ans. Vous pouvez le retrouver, c'est The Secret, un livre casse-tête publié en 1982 par Byron Price, P-R-E-I-S-S. Donc, pour créer ce puzzle-là, Price a voyagé dans 12 endroits en Amérique du Nord pour enterrer en secret une douzaine de casques de céramique. J'imagine que c'est des contenants de céramique. Chaque contenant contenait une petite clé qu'on pouvait échanger contre 12 bijoux que Price gardait dans une boîte dans une banque à New York. Mm-hmm. Et la clé pour trouver ces contenants-là était de matcher 12 peintures avec 12... je pense que c'est plus des... c'est pas vraiment la Bible, c'est comme des... pas des sonnets... Comment t'appelles ça, des trucs en poésie, des vers et des... En tout cas, bref. Des proses? Peut-être de la prose, ouais, c'est ça. De coupler, si on veut, d'agencer. Oui. Des poèmes avec des peintures pour résoudre la devinette et ensuite commencer à creuser, trouver la clé, la petite boîte, trouver la clé, aller dans la banque à New York, débarrer ça, prendre ton bijou. Depuis 1982, comme je disais, seulement 2 des 12 casques ont été retrouvés. Ben là, ça doit, là, tu dois te démoraliser à un certain point. C'est ça. Ça doit être compliqué. Un développeur de jeux vidéo nommé Mike Mika a caché une demande en mariage dans un de ses jeux vidéo, mais sa copine a refusé de jouer au jeu pendant plusieurs années, ce qui a remis leur mariage à plus tard. Le gars dit « Je laissais mon Game Boy sur la table, je lui demandais de jouer, elle le prenait jamais. » Ça a continué pendant presque un an. C'est ça, pendant environ... Non, il dit presque 3 ans. Donc, il s'est demandé « Est-ce que je lui propose de la façon normale ou est-ce que je lui montre vraiment ce truc vraiment ben cool oui. que j'ai fait pour elle? » Donc, Mika a expliqué qu'un jour, Tips and Tricks Magazine l'a appelé, a demandé s'il avait des codes spéciaux qui n'avaient jamais été révélés au public. Évidemment, il y en avait un. Tips and Tricks a publié le truc avec la demande en mariage, disant spécifiquement le nom de la copine de Mika et lui disant quel code inscrire dans le jeu. Finalement, il a laissé le magazine et le jeu sur la table. Tout était bien préparé. Elle pouvait rien faire d'autre que de le voir. Donc, finalement, elle est revenue à la maison. Et il y avait une demande en mariage. Elle l'a appelé au téléphone et elle a dit oui. Et le reste fait partie de l'histoire. Mmh. C'est cute! C'est cute, mais à un certain point, change de tactique. C'est ça. À un moment donné, trouve-en une autre, bâtard. Non, mais là, hey, non, mais là. Pas trouve-en une autre, mais quand même, quand tu vois bien qu'elle veut pas jouer à ton foutu Game Boy, là, ouais. Fais un poster, quelque chose. C'est ça. ouais. J'espère que c'était pas un Game Boy Pocket ou tu sais, genre une blague de pénis. Le Game Boy Micro. Est-ce qu'il faut connaître les modèles de Game Boy pour comprendre? Je vais t'avouer que là, sur celle-là, tu m'as perdu. C'était pas un Nintendo 3DS XL. Les personnes âgées d'une maison de retraite de Chicago cherchent quelqu'un à qui parler. Donc, parle à des enfants brésiliens qui veulent apprendre l'anglais en chattant par vidéo avec eux, un peu comme Skype. C'est un groupe d'étudiants du Brésil, donc ils voulaient apprendre l'anglais avec des gens qui parlent vraiment anglais comme première langue, hein, non pas comme mm-hmm. deuxième langue. Donc à Chicago, des gens dans une personne dans une maison. Les gens dans une personne. Des gens dans une maison. Les gens dans une maison de retraite cherchaient quelqu'un à qui parler. 2 problèmes, 1 solution. On les a mis en paire et tout le monde en profite. C'est l'idée derrière FCB Brazil et leur projet Speaking Exchange. Hmm. La Chine a banni le voyage temporel à la télé, disant que ça manquait de respect envers l'histoire. Donc plus de voyage dans le temps, pas de retour vers le futur, pas de Marty McFly en Chine. Évidemment, là on parle du contenu créé en Chine et non pas du contenu apporté d'ailleurs. J'imagine que c'est de pouvoir regarder, ben pas ce que tu veux parce que ça reste la Chine. Ouais. Mais ouais. Les pieuvres ont été observées en train d'apprendre comment défaire des structures de Lego et ouvrir des capuchons à l'épreuve des enfants, des bouteilles pour médicaments qu'il faut que tu pèses et que tu tournes, les pieuvres peuvent défaire des structures en Lego et ouvrir des bouteilles de médicaments. Donc mettez vos médicaments à l'épreuve des pieuvres, s'il vous plaît, faites attention à ça. Et oui, c'est sûr que si c'est une pieuvre chez vous. T'sais. Range les médicaments. C'est ça, ou range la pieuvre. Tu fais ce que tu veux. Tu laisses tes médicaments partout dans la maison, mais la pieuvre est dans ta petite pharmacie avec une clé. Oui, c'est ça. Enterrée avec un verset de poème. Ouais, c'est dans un arbre avec un enfant qui fait ses dents. Bon, ça va faire. Bon. Lorsque bateau de la marine américaine revient de son déploiement, les premiers malins. Mm-hmm. On est lundi. C'était les premiers malins. Les lundis ont toujours des mauvaises prononciations, je trouve. Je dirais que ce matin, c'est comme pire que les autres. Je sais pas ce qui se passe. Lorsqu'un bateau de la marine américaine revient de son déploiement, les premiers marins qui ont le droit de sortir ou de descendre du bateau sont les marins dont les femmes ont donné naissance pendant qu'ils étaient en déploiement. Ah, voilà. Mais ça, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, à la place d'être les femmes et les enfants d'abord, comme il n'y a pas de femmes dans la marine américaine parce qu'ils sont arriérés, mettons. Ouais, mettons. Pas les femmes, non, c'est ça. On laisse pas embarquer les femmes dans la marine américaine parce qu'elles sont arriérées. Je sais pas ce que mais tu veux faire avec que ça. De la façon dont tu l'as formulé. Oh, ça rajoute de la légèreté à la chronique. Et. En 2009, deux sous-marins nucléaires, donc un français et un britannique, se sont rentrés dedans finalement. Ils ont foncé l'un dans l'autre dans l'Atlantique parce qu'ils ne pouvaient pas se détecter l'un l'autre. J'imagine qu'ils parlaient pas la même langue. J'imagine. Donc c'est le HMS Vanguard et le Triomphant et leur collision sous-marine. Il y a un article sur assemblagewiki.com qui mène vers Wikipédia. La nation africaine de Érythréa est tellement répressive, ils sont tellement fermés sur eux-mêmes que les résidents doivent avoir un permis spécial pour inviter plus de deux personnes à souper. Et s'ils ne le font pas, leur souper est considéré comme illégal, leur rassemblement illégal, et ils peuvent être mis en prison. Oh, la nation africaine d'Érythréa. Quand même. Quelque chose. Un bonobo, là on revient aux singes et à leurs amis. Donc un bonobo nommé Kanzi. Un bonobo, c'est une sorte de chien chimpanzé? De chimpanzé, là, un genre de singe. Un bonobo, on va aller voir l'article sur Wikipédia. Donc un bonobo, un chimpanzé nain, selon certains, ou un chimpanzé pygmé. Ou un paniscus. Excellent repas chez Pizza Hut d'ailleurs. Donc un bonhomme, une chance qu'il n'y a pas de réaction là-dessus. Un bonhomme nommé Kanzi. Oui. Est-ce que je peux continuer avec ça? Vas-y. Un bonhomme qui s'appelle Kanzi. A déjà demandé du feu et des guimauves en utilisant un lexigramme. Ça c'est des je crois que c'est des petites pancartes avec des mots dessus. Pendant qu'il était en promenade dans le bois, son maître lui a donné des allumettes et des guimauves. Il a cassé des branches, il a fait un feu et il a fait rôtir les guimauves sur le feu. Le bonobo, pas son maître. Là. Ça aurait été un petit peu comme... C'est pas vraiment un fait, ça. Sadique, mettons. Donc, quand même, le singe avait envie de s'mores, faut croire. Ben, c'est ça. Non, mais il était... Il a juste demandé marshmallow, là, pas de chocolat. Ouais, mais là, une chose à faire. Ouais. Peut-être qu'il y a pas de pancarte pour un chocolat. Ah, peut-être. Et les biscuits Graham, on s'entend que ça, c'est deux pancartes à elles-mêmes. Ouais, c'est ça. T'as genre la pancarte biscuits et la pancarte d'Alexandre Graham. Mais l'histoire, dis pas s'il les a mangés. L'histoire, on le dit pas, mais là, il a commencé à faire du feu, il a mis la guimauve, le guimauve sur un morceau de bois. Une guimauve. C'est une bonne question, ça. Je pense, c'est un des questionnements de la langue française. Ben, au moins une fois par chronique, il faut avoir une petite question qu'on se pose puis qu'on veut la réponse parce qu'on veut que vous appreniez en même temps que nous, tu sais. Un guimauve ou une guimauve? C'est une guimauve. Une guimauve. Une guimauve. Un marshmallow. Un guimauve-grain. Un guimauve-grain. Une guimauve. D'accord. Les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Certains restaurants en Chine vont mettre dans la nourriture des... OK, là, il fallait dire évidemment que j'ai un mot aussi à traduire, mais les uns un après l'autre. Mot à traduire, puis une information à trouver, tu sais. Tout le temps. Mais pas un après l'autre, d'habitude, tu sais. Ça a l'air fou, un petit peu. Donc, en Chine, on met les opiacés. Oui. On peut être accro aux opiacés, tu savais ça? Donc, il y a des restaurants en Chine qui vont mettre dans leur nourriture des opiacés pour faire que leurs clients reviennent tout le temps. Mais qu'est-ce que des opiacés? Bon, on va chercher la définition d'opiacés. Oui! Tant qu'à faire. Opiacés, ou en anglais, un opiate, mm-hmm. des fois un opioïde, hein, sont des substances dérivées au sens large de l'opium et agissant sur les récepteurs opiacés. Les opiacés d'origine synthétique, c'est-à-dire n'étant pas synthétisés à partir de l'opium, sont désignés sous le terme opioïde. Le cerveau humain utilise certains opiacés naturels, comme les endorphines, comme neurotransmetteurs. La morphine et d'autres opiacés sont utilisés en médecine pour leur puissante action analgésique. Hmm. Merci d'avoir posé la question. Comment ils droguent leurs clients? C'est exact. En Chine. Ah. Bande! C'est gentil, hein? L'opération Wandering Soul, aussi connue sous le nom de Ghost Tape No. 10, était un mix audio que l'armée militaire américaine utilisait pour des opérations psychologiques pendant la guerre du Vietnam contre les Vietnamiens du Nord. Donc, ça jouait sur les croyances vietnamiennes de leurs ancêtres, les esprits et la vie après la mort. Donc, The Wandering Soul était joué dans des haut-parleurs installés dans des hélicoptères, dans des bateaux, et partout où il y avait des haut-parleurs, dans les endroits ennemis, surtout la nuit, et profondément dans la jungle, etc. Donc, ça leur parlait de la vie après la mort. On va écouter un extrait de ce que ça donne, l'opération Wandering Soul. C'est un enregistrement de Wandering Soul, ou Ghost Tape No. 10, utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui devrait commencer dans les prochaines secondes. Si le petit message de début peut finir. Hein? Oui. C'est ça. Oui, bon, je vais avancer un peu. On va avancer. Voilà. Et là, on se rappelle qu'on jouait ça envers les ennemis. Ouais. Lors de la guerre. C'est pas pour tes amis, ça. Non, mais c'était-tu pour les déstabiliser? Ouais, probablement pour les déprimer et leur faire peur. Moi, je trouve que ça fait très peur. Ouais. Ooh. Wow. On va continuer les derniers faits quelques instants. L'acteur Kevin Spacey, qui garde sa vie privée très très secrète autant que possible, et il dit, et je cite, « Moins vous en savez à mon sujet, plus c'est facile pour moi de vous convaincre que je suis le personnage que je joue à l'écran. Hmm. » C'est intelligent ça, on adore Kevin Spacey. Ouais. Il y a un projet de rescousse, de sauvetage des renards en Australie qui prend des bébés renards et les adopte, ou en fait les fait adopter. Pas de force, mais les fait adopter à des personnes intéressées. C'est une alternative contre l'euthanasie. Donc, à la place d'euthanasier les renards, on les loue pour les loups. On les donne en adoption à des familles. C'est en Australie que ça se passe. Ils adoptent seulement les renards aux gens qui sont au courant de leurs responsabilités, des responsabilités envers les renards, bien sûr. Et leur environnement de vie doit être approuvé par le projet. Donc, ça se passe en Australie. Et finalement, Épicurus, le philosophe grec, qui a trouvé une recette, en fait, pour mener la vie la plus paisible possible. Ça s'appelle le tétrapharmakos. Tétrapharmakos, et c'est ceci, je cite, pour être heureux. Faut que tu m'écoutes pour être heureux. Oui, je t'écoute. Un, n'aie pas peur de Dieu. OK. Parce qu'on s'entend que ça élimine pas mal la religion catholique et chrétienne. Juste si tu peux enlever le son troublant derrière. Parce que je veux le mettre après la peau. Okay. La donc, tu vas troubler nos auditeurs. Ben, c'est pour pas avoir peur de Dieu. OK. Ne pas se soucier de la mort. Oui. Ce qui est bon est facile à avoir et ce qui est terrible est facile à endurer. Ce sont ces principes pour être heureux. Et c'est des principes quoi, ça? Lui, c'était un grec, un philosophe grec. Ah, d'accord. Voilà. C'est tout pour cet effet, pour cette portion. On en fera une autre tantôt. Pour l'instant, on se quitte. Et on se retrouve après la pause. Un joyeux Halloween! Hey, hein? C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 19 octobre 2015. Tania Baudin a froid. Ah, je gèle ce matin, là. Je comprends pas ce qui se passe en studio. Et moi, c'est Mathieu Plante, en passant. Oui, Mathieu Plante. Oui, 8h passées, un petit peu, 8h02 environ. Bon. Oui, dans une heure, on a la chronique plein air avec Catherine Langlois. On a aussi la chronique de Tania qui s'en vient dans les prochaines minutes. Mais avant ça, tu nous as choisi une autre pièce. Toi, ce matin, tu te sens proactive. Oui, j'étais très proactive quand je suis arrivée dans le studio ce matin. J'ai regardé quasiment tous les CD pour voir ce qu'on qu'on allait écouter ce matin. Et tu nous as choisi du The Fratellis. Oui, avec la pièce Thief. On écoute ça à Assemblage Requis. Après ça, ben Tania, là, she's gonna entertain you. Oh yeah. Mais c'est excellent ça, The Fratellis! Avec la pièce Thief! Wow, Tania! On a aimé ça, hein? C'est quoi ton affaire, de pogner des bonnes chansons de main? Je sais pas, je pense que c'était le sang dans mes veines qui était glacé ce matin. Ça doit être ça. Ben on sait que t'es là de toute façon pour nous divertir, hein? Ben oui! Voici Tania, it's gonna entertain! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Hey, ta-ta! La la ta ta ta nya nya nya ta nya nya nya nya nya nya ta ta ta ta nya ta ta ta. And she's gonna entertain ya! C'est Tania! Salut! C'était la version longue ce matin! On sait jamais trop où on s'en va avec les syllabes là-dedans, c'est pas grave! Tania Baudin, tu nous parles de cinéma aujourd'hui parce que c'est le jour des élections. Évidemment, tu penses à l'élection, tu penses évidemment au cinéma. Ben oui, mais non, mais en fait, je me disais, OK, c'est jour d'élection fédérale, on peut pas vraiment faire quelque chose qui parlera pas de politique ou d'élection en tant que telle. À quelque part, ouais. À quelque part. Alors, je me suis dit, pourquoi pas parler des films politiques? Bonne idée. Alors, en fait, ce matin, je vous présente 6 films politiques de la scène internationale, donc pas simplement hollywoodiens ou canadiens. Guibard s'en va en guerre. Et j'en parle même pas. Ben, parce que je vous parle de des films qui sont déjà sortis, mais que peut-être vous aimeriez regarder, vu le fait qu'aujourd'hui, c'est jour d'élection, puis vous vous dites, cette semaine, j'ai goût d'écouter des films politiques qui sont pas nécessairement nouveaux, exactement. Comme je le disais, Guibard s'en va en guerre, il est pas encore sorti. Il est sorti? Je pense que oui, il me semble que... Ça fait pas très très longtemps. Hein. Ouais. Mais je vous parle de films politiques qui sont sortis, que vous pouvez louer et écouter dans le confort de votre salon avec une grosse doudou, des pantoufles et un chocolat chaud. Parce que là, moi, j'ai froid. Puis ce matin, c'est à ça que je pensais. C'est ça. Hey, oui, il est sorti, pour ceux qui veulent savoir. Oui, il est sorti. Oui. Bon, alors, Guy... On s'en sacre, mais oui, Guy Barre, ça va t'engager, est sorti. Guy Barre, ça va t'engager, si jamais vous voulez aller au cinéma. Who cares? Le premier film dont je vous parle, politique, c'est un film américain. Ça s'appelle Munich. Il est sorti en 2005. C'est un film de Steven Spielberg. Oh! Un petit indépendant. Oui, avec Daniel Craig. Tu connais James Bond. James Bond. De série film de répertoire. Ben oui. En fait, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Moi, j'ai fait une recherche à savoir quels étaient les meilleurs films politiques sur la scène internationale. Et ce film-là est sorti dans plusieurs tops. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, nécessairement, ça doit être à quelque part très bon à voir. Surtout que c'est Daniel Craig. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime. Okay. Ben oui, non, il est super bon. Mais donc, c'est la biographie de Monique Mercure, hein, c'est ça? Je l'ai manqué! Ouais. J'étais à ça de l'avoir, là. Pas certaine. C'est ça. Puis, en plus, c'est un film de Steven Spielberg qui, la plupart du temps, est un réalisateur que plusieurs personnes aiment. Mm-hmm. Alors, je vais vous relater un peu l'histoire. C'est à la suite de prise d'otage de Munich, c'est le gouvernement israélien qui a décidé d'exécuter plusieurs responsables palestiniens qui étaient liés à cet attentat-là. Et c'est l'histoire, en fait, d'Avner, un ancien garde du corps et un agent du Mossad qui est chargé de constituer une équipe qui va aller tout simplement... comment est-ce que je pourrais dire? Qui est chargé d'assassiner plusieurs personnes données par le gouvernement. Donc, ça va relater un petit peu cette histoire-là. Ça prend place au Liban. Donc, il y a des enquêtes qui vont se faire. Ils vont découvrir certaines choses qui se passent à l'intérieur du gouvernement. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qui en est vraiment les causes? Et moi, je dois dire, j'ai pas vu ce film-là, mais c'est un film qui, après avoir lu le synopsis et après avoir regardé la bande-annonce, me donne vraiment le goût d'écouter un film avec Daniel Craig ce soir. C'est un marathon, Daniel Craig. Ouais, c'est ça. J'aime faire toutes les James Bond avec Daniel Craig, puis après ça, j'ai regardé Munich. Cool. Le deuxième film dont je vous parle, c'est le film Mensonge d'État, qui est aussi un film américain, sorti en 2008. C'est un film de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio, Russell Crowe et Michael Gaston. Déjà en partant, un film avec Leonardo DiCaprio en temps normal, c'est pas mal prometteur. Ouais. Je connais pas vraiment le réalisateur Ridley Scott, alors je vais pas m'aventurer sur ça. Par contre, c'est l'histoire d'un ancien journaliste blessé pendant la guerre en Irak, Roger Ferris, qui est recruté par la CIA pour traquer des terroristes en Jordanie. Donc, il va infiltrer le réseau, il va essayer de soutenir des vétérans de la CIA. Il y a aussi des chefs de renseignement qui vont venir se mettre le bout du nez là-dedans. Et en fait, sur Internet, j'ai trouvé quelques questions qui sortent à la suite de la bande-annonce. Et c'est jusqu'où peut-il leur faire confiance sans mettre toute une opération et sa vie en danger? Hmm. Donc, évidemment, c'est un film politique, mais c'est aussi un film un petit peu d'espionnage, d'action. On se l'imagine. Ouais. Ridley Scott, en fait, c'est mm-hmm. Blade Runner, Alien, Prometheus, American Gangster. Donc, quand même, c'est prometteur aussi. Ouais. Là, ce sont des films, comme je disais, qui sont sortis dans plusieurs tops. Donc, évidemment, si on en a parlé dans plusieurs magazines et dans plusieurs sites Internet, nécessairement, peut-être que ça va vous donner l'idée d'aller le regarder. Ouais. Peut-être que vous aimez les films aussi ou que ça brasse. Puis la plupart du temps, des films politiques comme ça, bien, je dois dire que c'est des bons films de gars. Bon. La plupart du temps. Bon. Non, mais les étiquettes, là. Non, mais c'est vrai, rares sont les filles qui vont vouloir écouter un film politique tout seul sur leur sofa. Les filles se font dire quoi regarder par les grands médias de masse. Mais moi, j'aime beaucoup ça, écouter des films d'action comme ça. Ça, ça revient aux émissions dont on parle souvent, le Blind Spot, Quantico. Des obsessions que t'as. C'est mon côté CIA, moi aussi. Le troisième film dont je vous parle, c'est L'Exercice de l'État. C'est un film français sorti en 2011. C'est un film de Pierre Scholler avec Olivier Gourmet et Michel Blanc. Qu'est-ce que L'Exercice d'État? Eh bien, en fait, c'est le ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, qui est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet après qu'un accident soit arrivé. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va suivre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'État français, donc des vitesses pour des décisions très importantes, des luttes de pouvoir, du chaos, de la crise économique. Tout va s'enchaîner, il va y avoir une urgence après l'autre, surtout dans cet État-là. Et à quels sacrifices sont-ils prêts pour garder leur pouvoir, surtout? Mm-hmm. Et... En fait, la question qui se posait sur plusieurs sites Internet, parce qu'on le sait... Ben pas on le sait, en fait, les films français sont souvent pointés du doigt, si je peux me par permettre. Par toi, mettons. Non, mais pas par moi, mais par plusieurs personnes qui n'aiment pas nécessairement comment les films français sont faits. Ouais. Et en fait, on en a tout simplement dit que non, c'était pas une histoire hollywoodienne. Attendez-vous pas à ça de ce film-là. C'est un film vraiment direct, frontal, abrupt, qui montre ce que c'est que de gouverner un État en France. Intéressant. Alors oui, c'est quand même intéressant. Je me suis dit... Pourquoi pas essayer de regarder un film français une fois de temps en temps? Ça fait changement, on le fait jamais. Oui, hein. Ça fait changement et je dois dire aussi que la plupart du temps, les films français vont nous amener des interrogations que peut-être que les films québécois et américains ne nous amènent pas. Mmh. Alors, je lance ça comme ça, si jamais ça vous intéresse, L'Exercice de l'État, qui est un film de Pierre Scholler, comme je le disais. Le quatrième film, La Conquête, aussi un film français sorti en 2011. C'est un film de Xavier Deringer avec Denis Podalydès et Florence Pernelle. Qu'est-ce que le film La Conquête? Eh bien, ça prend place en 2007. C'est lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est une histoire qui va relater Nicolas Sarkozy et son histoire. Par contre, je tiens à vous lire un passage exact du synopsis qui dit allons-y comme suit. Second tour de l'élection présidentielle, alors que les Français s'apprêtent à élire leur nouveau président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Oh, mais qui est Cécilia? Ouais. Les 5 années qui viennent de s'écouler défilent. Elle raconte l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements en coulisses. La conquête? Point d'interrogation. L'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir, mais perd sa femme. Oh boy! Ouais, ça on a entendu cette portion-là, je pense. Ouais. Dans les potins, là. Alors, j'aime ça, ce côté-là. Tu sais, on voit souvent des films politiques qui vont simplement montrer ce qu'il en est des intrigues, justement, gouvernementales, décisionnelles, à savoir le pouvoir et tout ce qui se passe à l'intérieur des bureaux gouvernementaux. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison quand t'es un homme politique... En robe de chambre. Ouais, en robe de chambre et abattu parce que ta femme est partie. Ouais. Il y a quand même des choses qu'il faut que tu fasses justement pour rester au pouvoir, tout ça, des décisions à prendre, t'as du monde de qui t'occuper. Par contre, dans la maison, c'est un film qui titille mes pupilles parce que j'ai vraiment le goût de l'écouter. Oui. Puis Nicolas Sarkozy, ben, c'est un des présidents quand même dont on entend beaucoup parler. Alors, j'ai l'impression que c'est très bon et il y a eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires à la suite de ce film-là. Alors, c'est un film sorti de 2011, si jamais ça vous intéresse. Cool. Le cinquième film, je vous rappelle, j'en ai 6, alors c'est pas très, très long, mais le cinquième film, peut-être est-ce que tu connais, moi, je l'ai vu, c'est un des films que j'ai vu dans la liste, Les Marches du pouvoir, qui est sorti en 2011. C'est un film américain de George Clooney. Excusez, Georgie. George Clooney-esque. C'est un film de George Clooney, avec George Clooney, mais aussi Ryan. Il s'est casté lui-même. Il s'est casté lui-même. Il a fait ça avec Ryan Gosling. Et c'est l'année, c'est, en fait, le film est sorti l'année où que Ryan Gosling a été comme dans trois films en même temps. Oui. Là, son ascension. Drive, Blue Valentine, ça. Puis, si je me souviens bien, il y en avait un autre aussi. Alors, c'est un film que moi, j'ai beaucoup apprécié, surtout sur le fait qu'on voyait comment est-ce que ça se passe quand on monte une campagne électorale, parce qu'évidemment, ça se passe en campagne électorale, mais on focus beaucoup, beaucoup sur le jeune qui est joué par Ryan Gosling, qui est un jeune homme très ambitieux, qui est chargé de la campagne électorale. C'est lui qui va écrire les discours, puis tout ça. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la suite d'une rencontre avec un autre organisateur d'un autre parti, on va prendre certaines de ses paroles contre lui et on va les utiliser contre son parti et contre la personne qui est joué par George Clooney, là, évidemment, qui se présente aux élections. Et là, va rentrer des séries de secrets, manigances, des bouleversements à l'intérieur des équipes. Il va y avoir aussi une question d'honnêteté et de... comment pourrais-je dire... honnêteté, mais aussi de questionnement envers ta propre équipe. Quand on parle de manigances, justement, c'est quelque chose qui va revenir souvent, surtout en politique. À quel point est-ce qu'on peut jouer et manipuler avec les gens autour de nous pour simplement avoir le pouvoir. Alors moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, la combinaison George Clooney-Ryan Gosling, j'ai adoré. Ouais. Ouais. Il manque un troisième gars là-dedans pour faire un set chanceux. Mais qui est-ce que tu mettrais? Oh, qu'est-ce que je vais te demander à toi? Tu sais, c'est une équation qui fonctionne. Leonardo. Très bien. Leonardo. Et voilà. Je pense que si on veut le casting parfait, Georgie, Ryan et Leonardo dans un film politique semi-action, ça je serait. Je te le souhaite un jour. Ça serait fou. Ouais. Je pense que je serais. À terre. Ouais, et c'est voilà. Ça. Pour ne dire que cela. Oui, oui. Mais je vous le conseille, si jamais toi tu l'as pas vu, moi c'est un des seuls films que de la liste que j'ai vu avec l'autre que je vais présenter dans quelques instants. Mais si jamais vous avez pas vu ça et que... ça, oui. Si jamais vous avez pas vu ce film-là et que la manigance, comme je le disais, la manipulation et le montage d'une campagne électorale, ça vous égaye quelque chose, eh bien, allez-y, regardez-le, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est un film qui a beaucoup fait parler, parce que justement, c'est un film américain qui a été fait à Hollywood. Oui. Alors, ça a été pointé du doigt sur plusieurs sujets, mais par contre, moi, j'ai bien apprécié pour un petit samedi soir, là, c'est parfait. Un samedi soir, c'est important. Ben... beaucoup de gens vont écouter des films la fin de semaine. Okay. Un samedi soir ou un dimanche après-midi. Ah, bon. Tu comprends? Ben oui. Tu sais, qui neige, là, qui fait fret, pas beau. Mettons. T'écoutes ça. Exemple. Le sixième film de la liste que je vous présente, eh bien oui, c'est un film québécois. C'est un film que la plupart vont connaître. Eh bien, c'est le film de 1994, Octobre. Ah. Un film de Pierre Falardeau avec Luc Picard, Hugo Dubé et Denis Trudel. C'est un incontournable, je crois, de l'histoire canadienne, surtout au cinéma. C'est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très, très facile. C'est le film qui relate l'histoire qui s'est passée en octobre. Si je me souviens bien, c'est octobre 70. Il y a un article dans Zone Campus, je peux t'aider. Sur ça? Oui. Pour vrai? Pas sur le film, mais sur la crise d'octobre. OK. Fait que je vais pouvoir te dire la date. Mais oui, mais t'as jamais vu le film qui parle... C'est en 70, ça. Justement, du FLQ qui a pris en otage des députés, ministres. Mm-hmm. Donc, c'est le film... ce film-là qui parle du FLQ. Et pendant une semaine, heure après heure, on voit les quatre hommes de la maison de la rue Armstrong qui écrivent l'histoire, qui changent à jamais le visage politique du Québec, la portée du mouvement souverainiste québécois, à quel point est-ce que ça peut aller loin. On se souvient, il y a eu une mort à la suite de cet événement-là. C'est un des ministres qui avait été retrouvé dans la valise d'une voiture. Il avait été assassiné. Alors, c'est quand même des faits qui sont arrivés. C'est une histoire vraie et je pense que si aujourd'hui on n'a pas encore vu ce film-là, peut-être qu'on se doit de voir ce film-là pour comprendre tout ce qui est politique ici. Hmm. Alors c'est un film, moi je me souviens, j'avais vu ce film-là à l'école. Ah oui? Ah. Ouais, on nous avait présenté ce film-là dans un, si je me souviens bien, c'est un cours d'histoire. Ça a du sens. Ça a du sens, ouais. Ouais. Puis, je pense que je le réécouterai aujourd'hui avec un œil beaucoup plus vieilli et mature. T'es tellement de personnes âgées, Tania. Ah ben oui, je suis vraiment vieille. Donc, oui, en fait, Octobre, film de Pierre Falardeau, qui est un film que vous devez de voir si jamais vous voulez mieux comprendre ce qu'il y en est au Québec aujourd'hui. Cool. Rappelle-nous les 6 films en rafale. Oui, en rafale. Donc, Munich, Mensonge d'État, L'exercice de l'État, La conquête, Les marches du pouvoir et Octobre. Cool. Hey, tu n'as même pas choisi de pièce pour aller avec la fin de la chronique. Je vais t'avouer que j'ai pas choisi de pièce parce que je trouvais ça très difficile que de parler de films politiques et d'essayer de trouver une toune politique. Parce que la plupart du temps, quand je vais essayer de faire une chronique, la plupart du temps, je vais arriver à Mathieu et lui donner une chanson en lien avec ma chronique. Mais là, je vais vous avouer que c'était assez difficile. J'ai tenté de chercher, mais je trouvais pas vraiment de chansons qui m'éveillaient ce matin pour simplement aller faire suite à ma chronique politique. Donc, qu'est-ce que tu nous choisis, Mathieu? Quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais le nom de l'album de Bernard Adamus s'appelle Sorel, Soviet, So What, puis ça fait très, très politique, je trouve, Sorel, Soviet. Donc, voici Donne-moi-en, tout de suite, de Bernard Adamus. Puis après ça, ben, Assemblage requis continue jusqu'à 9h30. Par du scorpio, singe bonobo, pis de kétine sur le flair en potin de taille. Achèque l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars filent d'eau, mais ça de y'a. Les gars filent d'eau, mais ça de y'a. Paraît peut-être pas, mais ma t'sacadonne n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Paraît peut-être pas, mais ma t'sacadonne n'a pas une grande demande, t'en as plein les bras. Oh, oui, donne-moi ça, juste dans ma main, rien que ça, pis de rêve que là. Oh, oui, donne-moi ça, juste dans ma main, rien que ça, pis de rêve que là. Je suis chic, c'est ça qui fait qu'on fout pas ta soif. J'ai une chum dans le temps, pas une once de gros. Y'a les cheveux tout croche, la barbe d'un bras. Tu prends dans l'œil qu'il grise, les doigts qu'il frise. Si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas sympa de suivre. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, s'allume sur une botch. Mais dans sa main, une drôle de bébé. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis il a t'assoir. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonheur, puis il a t'assoir. Tire, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis de rêve que là. Oui, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis de rêve que là. Que je sais, tu sais, qu'est-ce que fait qu'il faut qu'on parte à soir. Qu'est-ce que c'est, chacun sait qu'il faut qu'on parte à soir. C'est mes shooters, une peine de blanche, j'enlève le pot dans tous ces marches. Au plan de score, va sur escort dans mes oreilles. J'entends l'écart, le compte à rebours, un petit passé pour ma question. Voici, je m'agresse un week-end, big me roule, c'est pas mec la tune à Jimmy Cliff. On en rajoute, puis on radote la note à monte, la BD sans si je pêche dans sa gramme. Deux sucres, une crème, je pique 4 jours pendant le week-end. Fait chauffer le casque en début de semaine, excès d'avoir action, être encouragé, qu'il me coule la mine. Me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan m'a dit qu'elle est bonne, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan m'a dit qu'elle est bonne, Mekamagan. Donne-moi-en de Bernard Adamus. Au retour, plus de C'est un fait à Assemblage requis. Plus tard, on parle de plein air avec Catherine Langlois. Restez là. vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 19 octobre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, il reste une autre heure complète d'Assemblage Reiki devant oui. nous. Oh, qu'on a du plaisir! On aime ça! Tantôt, tu as parlé d'élections françaises dans ta chronique. Oui. Tu disais que les Français ont un autre système électoral, ils passent au deuxième tour. Mm-hmm. Nous autres, on passe à un deuxième tour de C'est un fait. Mm. C'est un segway, qu'on appelle ben ça. Oui. Transition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. On a une rafale de choses à se dire. Ouais, hein, on a beaucoup de choses. Ça arrête plus. Commençons par la girafe. OK. Avant la girafe, avant de s'appeler une girafe, on l'appelait la camélopare. Parce qu'en Rome antique et en Grèce, les gens pensaient qu'une girafe ressemblait à un mélange entre un chameau et un léopard. Donc on l'appelait ça un camélopare. C'était le nom de la girafe à la base. C'est joli, hein? Ben oui. Le nom scientifique pour la girafe, c'est toujours Giraffa camelopardalis. D'ailleurs, justement, camelopardalis. Ah, ouais. En référence au camélopard. Oui, j'ai bien dit l'opard et non pas léopard mm-hmm. à l'époque. Hans Island, une île qui est réclamée, ou en tout cas, ils disent que c'est leur possession. Le Canada et le Danemark croient les deux que c'est sa possession, Hans Island. Donc, il y a une guerre de drapeaux. Les deux pays mettent leurs drapeaux et laissent aux autres, à l'autre pays, des mm-hmm. messages et des cadeaux comme du brandy. c'est quand très même drôle. Sympathique. C'est une guerre très, très civilisée, comme on dit. Oui. On dit que des gens polis peuvent aussi se chicaner, quand même. Mm-hmm. Y a une sculpture musicale de 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Ça a l'air pas mal plus haut que 3 mètres d'ici, mais ça se peut que ce soit 3 mètres, d'accord. À Burnley, au Royaume-Uni, c'est fait de tuyaux d'acier galvanisés. En forme d'un peu d'un ouragan, une tempête, une tornade, quelque ouais. chose comme ça. Donc, ils disent, eux, que c'est en forme d'arbre. J'ai pas vraiment vu cette sorte d'arbre-là souvent, mais quand même. Mm. Et ça fait de la musique quand le vent souffle dedans. Un peu comme les maudits mobiles à vent, là, mm-hmm. que tout le monde a, genre, à leur chalet pour se relaxer, que ça me tape donc ses nerfs. Mais en version gigantesque. Écoutons de quoi ça a l'air, juste un petit peu. On l'appelle « The Singing Ringing Tree », l'arbre qui chante et qui sonne. C'est évidemment juste le vent. Ah, c'est... Tu sais, tantôt, on me disait dans la première chronique de cette fait que mon bruit d'ambiance était épeurant. C'était épeurant, ça aussi, ça. Ouais. Je trouve. Ouh, on dirait des fantômes! Ouais, c'est... OK. Vu dans la vidéo, là, j'avoue que ça ressemble à 3 mètres de hauteur, là. Sur les photos, ça avait l'air de faire des kilomètres. Je trouve pas ça très calme. Non, c'est pas calme du tout. C'est un instrument avant. C'est tout. Ça fait peur. Ça fait peur, en effet. Mais bon, que voulez-vous. C'est au Royaume-Uni. Ensuite, ça m'a toujours vraiment intrigué, Tania. Tu sais, les bouteilles de sirop d'érable. Mm-hmm. Elles ont toujours une petite poignée. Oui. Mais dans laquelle tu peux pas mettre ton doigt parce que c'est beaucoup trop petit. C'est vrai. Les petites poignées en vitre sur les contenants ouais. de sirop d'érable. Donc, c'est parce qu'à l'origine, ça venait en contenant de 5 livres, les sirop d'érable. Ça avait besoin de grosses poignées pour pouvoir être transporté. Donc, quand on a rapetissé la bouteille pour faire les pots de sirop d'érable comme on les connaît aujourd'hui, bon, on a gardé à l'échelle la petite poignée parce que c'est comme ça que les gens savaient que c'était du sirop d'érable. C'est parce que la poignée était de cette forme-là. Et sur un 5 livres, ça se tenait bien avec la main. Alors qu'en plus petit, ça se tient pas. C'est vraiment intéressant, je trouve. C'est un bon, c'est un fait. Ça oui, ça, merci de le préciser les fois où ça arrive. C'était la première, donc. Qu'est-ce que tu fais? Selon Brooklyn Brainery, donc, il s'est posé la même question. Ces petites poignées-là sont des restants d'une époque où ça venait dans des gros contenants. Ça dit de 5 livres. Donc, c'était un rôle fonctionnel à l'époque. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'ascuomorphisme, c'est-à-dire que c'est que ça reste pour la reconnaissance du passé, mais ça n'a plus de fonction en tant que tel de nos jours. Christian Bale, on retourne à Hollywood un petit peu. Christian Bale a vu Tom Cruise au Late Show de David Letterman pendant qu'il se préparait pour son rôle dans American Psycho. Là, American Psycho, c'est Christian Bale, pas Tom Cruise, là, on se comprend. Mm-hmm. Donc, Christian Bale, pendant qu'il préparait American Psycho, a vu Tom Cruise à la télé. Cruise était intensément amical et n'avait rien derrière les yeux, selon Christian Bale. Donc, c'est devenu l'inspiration pour son rôle de meurtrier psychopathe dans American Psycho. Wow! Je sais pas si Tom Cruise est au courant. Je sais pas, mais faudrait que je te le fasse dire qu'il a pas l'air d'avoir d'âme. C'est ça. C'est ça. Christian Bale parlait avec un accent américain hors plateau en tout temps, alors que Christian Bale est, je crois, britannique. À moins que je me trompe. Britannique, c'est bien ça. C'est ça, il parlait avec un accent américain, même lorsqu'il ne filmait pas le film, pour vraiment être dans son rôle. Et lors du rap party, qui est le party, la petite fête qu'on fait après le film, il a recommencé à parler avec son propre accent britannique. Et plusieurs personnes dans l'équipe pensaient qu'il parlait comme ça, avec cet accent-là, pour un autre film. Il pensait qu'il était américain dans la réalité, tellement il était bon dans son rôle. Non. C'est ce qu'on appelle un bon acteur, Christian Bale. Il y a une journée, tu sais, tous les jours de l'année, chaque jour de l'année a sa journée. La journée du café ou peu importe. Ouais. Il y a la journée de Gary Lane. Hein? Donc un jour, le maire de Burlington au Vermont a dédié cette journée-là à Gary Lane, un homme qui, entre autres, avait été arrêté parce qu'il faisait tellement du headbanging de façon intense que la police pensait qu'il était en pleine crise d'épilepsie. Il faisait du gros headbanging, genre à un show de métal sûrement, donc on a dédié cette journée-là à lui, le Gary Lane Day. C'est dans la ville de Burlington, le 12 novembre 2011, la journée de Gary Lane. J'imagine que c'est pas chaque 11 novembre, chaque 12 novembre, j'imagine que c'était sûrement ouais, le 12 novembre 2011. C'est drôle. Ouais. On parle souvent de hamac à assemblage requis, surtout dans la chronique sexy, ça ne devrait pas, on l'a. Mm-hmm. On parle de hamac qui peuvent améliorer la qualité du sommeil et ça peut faire que certaines personnes s'endorment plus rapidement. Et surtout, aussi, parce que la position est diagonale, la position peut aussi offrir plus de soutien et de confort. La recherche médicale donc, suggère que les hamacs permettent aux gens de s'endormir plus rapidement et de dormir plus profondément comparé à un matelas stationnaire habituel. Non seulement est-ce que les participants s'endormaient plus rapidement dans un hamac, mais le mouvement de va-et-vient changeait aussi la nature de leur sommeil, selon l'Université de Genève en Suisse. Voltaire est devenu très riche en exploitant une faiblesse, un bug dans la loterie française. La faiblesse était que le coût pour acheter chaque billet de loterie au pays était moins que ce que le gros lot était. Tu comprends? Donc, Voltaire et un groupe d'amis ont acheté tous les billets au pays, en France, ce qui coûtait moins cher que le gros lot. Et finalement, ils ont évidemment gagné le gros lot. Il n'y a pas le choix parce qu'ils avaient acheté tous les billets. Avoue que c'est quand même intelligent, Voltaire. C'est drôle, mais je suis pas certaine que c'est comme ça maintenant. Non, c'est ça. Non, absolument pas. C'est comme, allez pas faire ça, là. Non, ça va vous coûter cher en maudit aussi avec je vais juste dire les gens qui achètent des billets de loterie. Oui. Vous pouvez penser de ce que vous voulez d'eux. Mais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup des billets de loterie. Oui. Ensuite, allons-y avec le... Oh, attention. Je suis tombé sur un paquet de faits que j'avais déjà fait. Où est-ce que je m'étais rendu la dernière fois? Comment ça se fait? C'est pas correct, ça. Ah oui, tiens. OK, on va y aller avec... je crois qu'on était rendu exactement à celui-là, oui. Le Bunya Pine Tree. C'est une sorte d'arbre qui peut laisser tomber des... tu sais, des cocottes? Oui. Mais de 10 à 20 livres de la grosseur de melon d'eau. Quoi? Le Bunya Pine Tree laisse tomber des cocottes de la grosseur de melon d'eau. Et il y a une pancarte à côté des arbres qui disent... Brisbane Botanic Gardens, attention, cocotte de Bunya Pine Trees qui tombe. Cet arbre est un conifère et a des cocottes qui peuvent être très lourdes, dans certains cas plus de 10 kg de poids. Et à ce moment-ci de l'année, des cocottes pourraient tomber sans avertissement n'importe quand. Donc pour votre propre sécurité, essayez de ne pas vous mettre sous les arbres. Wow! C'était peurant, hein? Il me semble que tu as sur sa tête 10 kg. Quand même. Ouais. Une grosse cocotte. Une grosse cocotte. Un garçon a légalement eu le droit de changer son propre nom lorsqu'il avait 8 ans. Aujourd'hui, il s'appelle Dr. Lucky Sky Lizard. C'est vraiment comme ça sur Internet, sur sa page LinkedIn. Est-ce que ça dit pourquoi il a eu le droit? J'imagine que c'est ses parents qui ont choisi de lui laisser changer son nom. Parce que des parents comme ça qui sont un petit peu ésotériques, qui se disent que les... en fait, je les comprends. Que les enfants ont le droit de choisir leur propre nom et non pas de se faire nommer par leurs parents. Donc ses parents lui ont permis ça, et sa sœur aussi. Donc ils ont pu changer leur nom à l'âge de 8 ans s'ils le voulaient. Et bien sûr, à 8 ans, le garçon a choisi un nom super hot, awesome, Loki Sky Lizard. Et maintenant, c'est un chirurgien thoracique à Frederick dans le Maryland. T'imagines l'école de médecine? Oui, Monsieur Sky Lizard. Lizard, présent! Il y avait un castor qui est maintenant mort en Amérique du Nord, qui mesurait 6 à 7 pieds de haut et pesait entre 200 et 270 livres, ce qui est la grosseur d'un ours noir moderne. C'est des castoroïdes, de gros castors qui sont maintenant extincts. Extincts? Éteint. Donc, des gros castors en Amérique du Nord pendant la Pléistocène, une ère bien avant la nôtre, c'est les Sciurum et son espèce sœur Castoroides oreohanensis, qui sont les gros castors à jamais avoir existé. J'ai au moins essayé. On reste chez les animaux jusqu'aux années 1770. Les civilisations occidentales considéraient le kangourou comme une bête mythique avec la tête d'un orignal. Orignal, deer? Mm-hmm. Deer? Deer, c'est... Je sais pas ça. Bref, qui se tenait debout comme un homme et qui sautait comme une grenouille, des fois avec une deuxième tête qui sortait de son estomac. On sentait évidemment que c'était son enfant. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une créature mythique. Et la description que je viens de faire du kangourou des premiers explorateurs a mené plusieurs à ne pas les prendre au sérieux pendant une bonne période de temps, jusqu'à ce que le premier kangourou vu en Europe a été tiré par James Cook et son équipe en 1770. Donc, comme disent les commentaires, c'est la façon la plus métal de décrire un kangourou. Une bête mythique avec la tête d'un orignal. L'as-tu trouvé, c'était ça? Ouais, c'est mousse. Je comprends pas pourquoi on n'avait pas réalisé que c'était mousse. Ouais, un orignal, c'est mousse. Ouais. Donc, deer, c'est... chevreuil, voilà. C'était clair pour tout le monde à la maison. Mais ça, un chevreuil et un orignal, c'est difficile à... Ben, c'est comme un poumon et un foie, ça. C'est dur à différencier, mais c'est un personnage. Moi, je suis très capable, mais mon personnage radio n'est pas capable de faire la différence entre un chevreuil et un orignal. Donc, c'est ça. Tête de chevreuil, debout comme un homme, saute comme une grenouille avec une deuxième tête qui sort de son estomac. Ha. C'est en effet assez métal. Ensuite, Valentine Tapley. C'est un homme, Valentine Tapley, qui a promis de ne jamais plus raser sa barbe si Abraham Lincoln était élu président. Hein? Il est mort en 1910 avec une barbe de 12 pieds de long. Hein? Hein, ça, c'est tenir sa promesse. Ah, c'est tenir sa barbe aussi, c'est hein? Tenir ses rires dans sa barbe, comme on dit. Hey, c'est long, là! 12 pieds. Comment il faisait? Il se l'attachait? En fait, sur les photos qu'on voit sur assemblagerequis.com, elle était bien, bien longue. Il la tenait dans sa main. Et des fois, elle traînait par terre. T'imagines, il va faire l'épicerie, 12 pieds de long, de barbe. Ouais. Peut-être qu'il faisait un genre de une toque à la tête. Avec c'est ça? Sa barbe. T'sais? Peut-être! En 1973, la NASA a envoyé deux araignées qui s'appelaient Arabella et Anita dans l'espace pour voir si elles pouvaient tricoter leur toile sans gravité. Ça a pris aux araignées quelques jours pour comprendre comment faire, mais éventuellement, ils ont fait des toiles d'araignées qui étaient encore plus fines, encore plus complexes que les toiles qu'elles faisaient sur Terre. Hmm. C'est vraiment super intriguant. C'est intéressant. C'est ça, ça me rappelle... Ça, ils ont fait un documentaire là-dessus, c'était animé par Julie Spider. À TV Araignée, avec Julie Spider. À TVA? À TV Araignée. Araignée? Oui, non. Mathieu. Colin, j'étais donc fier de ma shot. Je devrais peut-être pas être aussi fier de ma shot, c'est ça? Est-ce qu'on conseille d'autres faits? Ça te tente-tu? Ouais. J'en ai une autre dizaine de préparer, là. Vas-y. Alors, chez les animaux, un animal de compagnie nommé Ming. Ming! Qui vivait une double vie secrète avec deux familles qui vivaient proches l'une de l'autre pendant presque une décennie. Son autre famille l'avait nommée Cléo. OK. Donc, d'un côté, dans une famille, c'était Ming. L'autre côté, c'était Cléo. Sympathique. Alors, deux familles différentes qui se sont battues pour ce chat siamois qui vivait deux vies différentes. Ming appartenait aux Alexanders. Commençait à revenir à la maison très, très tard. Je sais pas s'il y avait une valise puis qu'il allait genre « Ah, faut que j'aille travailler en Ohio. » Je sais pas trop quoi. Pendant une fin de semaine, puis il passait ça avec l'autre famille. Bref, des fois, c'est ça, il arrivait tard à la maison, il ne voulait pas manger son souper parce qu'il avait déjà mangé chez sa maîtresse. Des fois, il restait dehors toute la nuit et finalement, donc, il vivait avec une autre famille qui l'avait nommé Cléo. Lorsque Ming est disparu pour de bon, les Alexander sont allés le chercher. Ils ont découvert la trahison. Maintenant, sa nouvelle famille dit que Cléo fait partie de leur vie. Ils peuvent pas juste leur donner à l'autre, là. Mais les Alexanders disent que Ming était leur chat en premier et ils travaillent pour essayer de le partager maintenant. C'est une bonne idée. Ouais. Une femme de San Diego nommée Conchita Antico a une super vision, une mutation génétique unique qui lui permet de voir plus de 100 millions de couleurs. Ah. Cette mutation génétique fait qu'elle gagne un quatrième cône de... Tu sais, comme on l'apprend en biologie, un quatrième cône pour voir les couleurs dans ses yeux. Donc, Conchita Antico, une artiste australienne basée à San Diego, en Californie, qui est tétrachromate. Donc, c'est ça l'habilité de voir environ 100 fois plus de couleurs qu'un être humain normal. Un test de vision et un test génétique du Dr. Jay Knight de l'Université de Washington Medical School a confirmé que Antico a ce qu'il faut dans les yeux, donc les 4 photorécepteurs. La plupart en ont 3, et pour elle, les résultats, c'est donc une énorme range de couleurs. Les chercheurs croient que cet artiste né en Australie peut voir des couleurs qu'on n'a même pas encore nommées, en fait, qu'on ne peut pas nommer parce qu'on ne les voit pas. C'est aussi un témoignage de sa part sur l'assemblage Ricky.com. Elle fait de la peinture. Étant donné son talent, elle peut, j'imagine, mixer plus de peinture que l'être humain habituel. Ça doit. Mais personne ne peut voir ce qu'elle voit sur ses toiles. Donc, mais comment ça se fait qu'elle, elle a ça? Une mutation génétique, c'est juste l'évolution de la vie, faut croire. Puis en c'est ça. La seule? Ça dit pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais ça doit être extrêmement, extrêmement. Allô, le gouvernement qui doit avoir mis la main sur elle. Pourquoi? Raconte-nous le synopsis de son émission de policière qui s'appelle Tétrachromate. Cet automne sur CTV. Vas-y. Non, mais c'est sûr que tu veux savoir pourquoi elle a ça puis personne d'autre l'a. Ouais. Est-ce que ça amène certaines réponses? Je sais pas. Peut-être. Ton synopsis me donne pas envie d'écouter. les dauphins peuvent communiquer avec l'un l'autre par téléphone, Tania. Ah, par téléphone. Cet automne sur CTV, ben oui. Les dauphins qui parlaient au téléphone. ils peuvent avoir l'air de savoir donc à qui ils parlent. Dans une expérience de l'aquarium d'Hawaï, la mère et son jeune de 2 ans dans un autre aquarium se sont connectés par un lien audio sous l'eau. Ils ont reconnu l'un l'autre et ont commencé à se parler. Les rats. On a beaucoup d'animaux aujourd'hui. Les rats. C'est vrai. Ressentent l'empathie. Jusqu'à un certain degré, donc ils peuvent ignorer. Ils peuvent ignorer un levier qui relâche des bonbons de chocolat que eux aiment bien. Mm-hmm. En faveur, donc à la place de choisir le levier, ils vont choisir le levier qui peut sauver un ami qui est en train de se noyer. Ah. Un autre rat qui est en train de se noyer, il y a tellement d'empathie qu'ils veulent le sauver. C'est un bon petit rat, ça. Un bon petit rat. T'as envie de le flatter. Oui. Mais tu le fais pas parce que tu veux pas pogner une maladie. Non, c'est un rat quand même. Les rats, donc, qui ont un comportement pro-social. Même s'il n'y a pas de récompense apparente de sauver quelqu'un, donc c'est pas comme si genre il allait sauver le rat puis ça allait donner son chocolat. Non, c'est ça. C'était le chocolat ou le rat. On se comprend. Rintintin. Rintintin, c'était quoi le nom du chien? Dans quoi ça rentre en plan, patente? Là, c'était pas dans Tintin, ça c'est Milou. C'est dans quoi rentre en plan? Je ne dans sais Lucky pas. Dans Lucky Luke, je pense. Lucky Luke? C'est sûr, dans Lucky Luke. Ah oui, c'est pas... Oui, je pense que oui. Bref, c'est pas important, ça n'a rien à voir avec le fait. Donc, Rintintin, un German Shepherd, un berger allemand, qui a été la vedette de plusieurs films silencieux, des films donc sans voix, qui a gagné le premier Oscar pour meilleur acteur, mais l'Académie croyait que cette nouvelle idée de donner des Oscars pouvait potentiellement être endommagée si le premier meilleur acteur était un chien. Donc, ils ont décidé de pas lui donner. Si elle lui revenait, c'était le meilleur acteur, puis il l'a pas eu parce que l'Académie était trop balai dans le... Hey! C'est méchant! Ben là... Donc, c'est l'histoire de Rintintin pour un meilleur acteur aux Oscars, qui aurait pu le gagner, mais qui finalement ne l'a pas. Ben ouais. Si tu penses savoir dire le nom Mont Everest, Tania, mais tu as tort. Pourquoi? La plus haute montagne du monde, qui fait 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, Mont Everest, était nommée en hommage au géographe du nom de colonel Sir George Everest en 1865. Tout le monde sait que c'est une merveille de la nature. Pas l'homme, mais la montagne, bien sûr. Mais est-ce qu'on sait comment prononcer le nom de la montagne? Colonel Sir George Everest lui-même, le célèbre le célèbre homme qui a donné donc son nom à la montagne. Il a fait plusieurs contributions aussi à la Great Trigonometric Survey, par le Royal Geographical Society. Le masculin et le féminin viennent après avoir lu la phrase au complet dans mon cas. Donc la prononciation de son nom a changé à travers le temps par la société. Donc le nom devrait en fait être prononcé Yves Rest, l'accent venant avant le R et non pas après. Donc essentiellement on devrait dire Yves Rest comme le nom de fille Yves en anglais ou encore Yves YVES en français. Donc quand quelqu'un vous demandera de nommer cette montagne-là, vous pourrez dire « Ah, que je suis plus intelligent que vous, Everest. » Everest. Everest. Si on veut vraiment rendre hommage à l'homme, oui, c'est ça, évidemment. Il y a un restaurant à Pittsburgh qui s'appelle Conflict Kitchen qui ne sert que de la cuisine des mets de pays avec qui les États-Unis sont en conflit. Ils ont reçu des menaces de mort, comme là, il y a eu Cochina Cubana, avec de la cuisine cubaine. Hein, évidemment, le restaurant garde le nom de Conflict Kitchen, mais en gros, en haut, c'est écrit Cochina Cubana. C'était des plats cubains pour emporter. Les autres, évidemment, j'arrive pas à les lire parce que c'est des langages asiatiques. Mais je vois la Cochina Arepas. Hein? Oui, avec et, cet accent-là, surtout. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Everest, je pense. Cochina Everest. Donc, c'est à Pittsburgh, Conflict Kitchen. En 1907, un homme qui travaillait sur les freins des trains, tu sais, on appelle ça Railroad Brakeman, donc il y a un gars qui fait freiner les trains, hein, au Mexique, nommé Jesus Garcia, Everest, a sauvé la ville au complet de Nacozari, Sonora, réussissant à conduire un train endommagé en feu qui contenait de la dynamite à 6 km de distance de la ville avant que finalement le train explose, ce qui l'a tué, mais il a réussi à sauver la ville de Nacozari, Sonora, lui-même. En automne prochain sur CTV. Sur CTV. Hey, il pourrait faire genre les X-Men, mais avec le gars qui sauve les trains, la ville d'un train, t'as la madame qui voit des millions de couleurs. T'sais, un peu comme Heroes. Un genre de Heroes, ouais. Nouveau style. C'est ça. J'adore ça. Et tellement, Jesus Garcia est un héros qu'on lui a fait sa propre statuette. Wow. Dans la ville. Donc, Sonora. C'est sûr qu'après avoir sauvé ta ville... Tu mérites bien ça. Tu mérites statue. Plus que ça, en fait. Moi, c'est ça. Il est mort. Oh. Il ne peut pas avoir plus que ça. C'est triste. Les scientifiques britanniques ont trouvé trois espèces inconnues de champignons dans un petit emballage commercial acheté dans un supermarché chinois à Londres. Donc, ils ont trouvé trois nouvelles espèces de champignons inconnues dans un sac, dans un supermarché. Ça n'avait absolument rien à voir. Ils ont juste trouvé ça. Cool, pareil. Encore de nos jours, on peut mais trouver des nouvelles affaires. Mais c'était pas un produit de l'épicerie, mettons. C'était pas supposé être dans l'emballage, mettons. OK. Mais c'est cool, pareil, qu'encore en 2015, on trouve des nouveaux produits. Oui. Nouveaux produits. C'est pas un produit. Mais nouveau, des champignons. De nouvelles découvertes, voilà. Oui, c'est un produit aussi, mais à la base... Ouais. C'est juste... OK, je suis d'accord. On se comprend. les expériences que tu vis dans ta vie laissent des marqueurs chimiques dans ton ADN. Essentiellement, ça va donner tes expériences superficielles à tes descendants parce que ça change ton ADN. Hein? Répète ça. C'est un article de Discover Magazine. Donc, les expériences que tu as pendant ta vie vont laisser des marqueurs chimiques dans ton ADN, ce qui va essentiellement donner tes expériences superficielles à tes descendants. Ils savent pas, mais c'est dans leur ADN. C'est intriguant, hein? Mais expérience, comme exemple, si tu vas chez le médecin et il te donne les médicaments? Ça précise pas, mais les expériences superficielles, donc peut-être juste... En général, ce que tu vis, j'imagine que ça va pas être médical nécessairement. Fait que quand on dit que la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre... Ben, c'est ça. C'est à cause de l'ADN. C'est exact. On va aller voir l'article sur discovermagazine.com. La mauvaise enfance et les aventures excellentes de tes ancêtres peuvent changer ta personnalité, te donner de l'anxiété ou te rendre plus résilient en changeant l'expression épigénétique de tes gènes dans ton cerveau. Ah, oh, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. L'article est sur assemblagerequis.com si vous voulez en lire plus. Ceux qui font, on continue pour une autre série de 10, ça te va? Parce qu'à la date, le temps file et il en reste. Des faits et du temps. Donc, ceux qui font moins de 10 000 $ par année dépensent 597 $ sur la loterie, en moyenne. Alors que ceux qui ont le salaire annuel moyen d'une maison américaine dépensent 162 $. Donc, tu vois, le salaire moyen, 162 $ en loterie et 10 000 $ et moins américain, bien sûr, 597 $. Donc, les gens qui sont pauvres ont tendance à plus dépenser en loterie. Ben oui, parce qu'ils veulent la gagner beaucoup plus. Et voilà. Donc, les États le savent. Les États, là, on parle, ça peut être les provinces, ça peut être les pays, peu importe, là, c'est partout pareil. Mais on cible souvent les pauvres dans les publicités de loterie. Je sais pas si tu as vu la nouvelle campagne en ce moment, c'est genre la fille, peu importe, tombe sur quelque chose, genre, je sais pas, quelque chose de chanceux. Il y a quelque chose de chanceux qui arrive dans la vie, puis elle dit, ben, calme, allez, machin, billet de 649, ouais. Peu importe. Oui, oui. La nouvelle oui. campagne en ce moment. Ben, c'est ce que ça fait, c'est que c'est la grande communauté se dit, ben, calme. Si c'est si simple que ça, moi aussi m'a gagné! Mm-hmm. Ah, mais tes chances sont tellement bonnes que c'est un peu une taxe sur ta... C'est ça. Pas stupidité, mais pauvreté. Même. Puis ils sont tous gagnés en Ontario. Ils sont tous gagnés en Ontario, bon. L'Auto-Québec, l'Auto-Québec, c'est gagné en Ontario? C'est souvent gagné en Ontario. Tu sais, les gens peuvent jouer à l'Auto-Québec en Ontario? Ben... C'est pas ça. Le Gatineau, ah, ok, maintenant. ok, près de... Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais attends, ouais. Y a-tu plus de monde, là? Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais c'est tout le temps là. C'est un autre super pouvoir cet automne à CTV. Ouais. Dans l'émission avec la fille au couloir. Heroes. Le Heroes Reborn. 3.0. C'est ça, parce que le 2.0 a commencé. Ouais. Fait que faut attendre un autre 10 ans avant de en faire un autre. Les Romains. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour okay. faire changement. Les Romains postaient leurs nouvelles et leurs informations sur le bord des rues. OK. Particulièrement là où trois routes étaient en intersection. Okay, il y avait une intersection de trois routes. Mm-hmm. Donc, on appelait ça trivia. Hein? Oh. Des morceaux d'informations à trois coins de rue. Trivia, comme un fait divers, comme Trivial Pursuit, comme les arpents de main ouais. de piège. C'est intéressant. Trivia, ça vient de ça. Trois coins de rue. Ça veut dire que le jeu, là, que application sur téléphone, c'était quoi? C'était Trivia Crack. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas juste trois? Non, mais c'est le mot trivia est resté comme étant juste des faits. Comme mettons, si c'est un fait en anglais, ça pourrait s'appeler It's trivia! Okay. Genre, parce que c'est ce qu'on dit pour juste un fait intéressant. Je vois. Voilà, trivia. NPR, ça c'est les radios publiques aux États-Unis. NPR a posté un lien qui s'appelle Why doesn't America read anymore? Pourquoi est-ce que les États-Unis ne lisent plus sur leur page Facebook? Le lien menait vers un message du Poisson d'Avril disant que les gens postaient souvent des commentaires sur les nouvelles sans avoir lu l'article et demandant dans l'article de ne pas commenter si vous avez lu le lien. Donc les gens ont commencé immédiatement à poster des commentaires comme s'ils avaient lu l'article. C'est quand même sneaky, là. C'est très drôle. Très, très cachotier, là. J'aime ça, moi, ce genre de choses. C'est un bon poisson. Un petit poisson, une petite attrape. Ouais. Une femme a présenté une note de son médecin, mais une note forgée. Hein? Comme excuse pour avoir manqué sa sentence en cours. Une sentence pour quel crime avait-elle commis? J'ai comme peur, là. D'avoir forgé quelque chose. C'est pas vrai? Oui. Donc, elle a vraiment donné une fausse note de médecin pour sa comparution en cours, comme quoi qu'elle avait été pris en train de forger, faire un forgeron. Enfin, c'est pas ça pour tout en français, là, c'est d'avoir... Mais quand tu forges, t'es un forgeron? Je sais pas, je pense pas. Forgeron, ça a rapport avec Le métal et tout ça. Ouais, c'est ça. Forgeron est un ouvrier ou artisan professionnel qui forge à la main et assemble les pièces de métal pour réaliser des objets. Mais si tu fais forger quelque chose... Quelqu'un forge. Non, mais on aime ça apprendre des affaires en plus de la chronique. Là. Quelqu'un qui forge. Forger. Attends un peu. On va trouver. Façonner, non, c'est pas ça. Forgeage, fabriquer un objet par forgeage. Non, c'est pas ça. Inventer, non. Littéraire, former, non. Je sais pas, je le trouve pas, le mot. C'est... Que quelqu'un vienne nous le souffler à l'oreille un jour. Bizarre. Quelqu'un qui forge quelque chose, on veut savoir ce que c'est. Ouais. En 1992, tu sais les châteaux rebondissants dans lesquels tu peux rebondir, oui, c'est oui, les oui. jeux pour enfants, donc une espèce de gros gonflable si on veut. En 1992, il y a un de ces châteaux gonflables-là qui s'est envolé avec 5 enfants à l'intérieur. Pour les sauver, un homme de 21 ans s'est agrippé à une des cordes qui tenait en dessous. De ce gros château-là. Il a grimpé jusqu'au château, 15 mètres de haut dans les airs. Il a tiré chacun des enfants avant de perdre son grip, et tomber à travers le toit du château sur une tente. Il a survécu, mais a souffert un choc électrique parce qu'il est tombé sur une tente, ce qu'on appelle Dodge's Tent. Donc, c'est une tente avec des trucs électriques. Donc, il y a eu une blessure aussi à la jambe qui a demandé 52 points de suture. Mais le gars a quand même réussi à sauver les 5 enfants. Quand même. Mais il les a mis où? Il les a mis où? Tu sais, quand il te dit, il les a sortis. C'est ça, il les a sortis, mais il les a juste lancés en bas. C'est là, ça, il peut pas vraiment juste les lancer en bas. Dans là. Les mains de quelqu'un, on sait pas. Mais intéressant, et c'est là-dessus que ça va se terminer pour C'est un fait, Tania. Ah! Oh. Oh, je sais, c'est triste, hein? Ça finit plate comme ça, on remet de la musique, voir. On était rendu à la fin du fond. On a fait tellement de C'est un fait aujourd'hui. C'est vrai. J'aime ça. On a appris plein de choses. Tellement. C'était la journée pour ça, en ce lundi, sans trop de chroniqueurs en début d'émission. Mais par contre, tantôt, on va avoir notre seule et unique chroniqueuse de la journée. C'est une nouvelle. Donc, on va lui préparer la place un peu. C'est Catherine Langlois et la collègue du club plein air QTR qui s'en vient juste après la pause. Mais pour l'instant, on s'écoute une chanson des Sheepdogs. Oh oh. Oh oh oh. On écoute Downtown à Sondage Rocky sur C'est fou. 89 FM. Mais hein, FM même. Ah ouais? Those plans, don't see, maybe it's good to feel alive and waste away time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand tonight. Save me, try to understand. I'm a complicated man. You try and split the band tonight. The Sheepdogs, la pièce Downtown sur l'album Future Nostalgia, assemblage requis. Au retour, on parle de plein air avec une nouvelle chroniqueuse, Catherine Langlois. Restez à l'écoute. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez, vous êtes assez, vous êtes assez, vous êtes assez, vous êtes assez. Pour l'écouter. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR.

Punta Cana, j'ai peut-être pas les moyens. Non, c'est ça. Peut-être l'année prochaine. On va espérer. On te le souhaite. Ouais. Les choses vont bien aller pour toi. Ben oui. Je t'encourage dedans. Merci, Catherine Anglois. Ben, c'est un plaisir. À dans deux semaines. Oui. Nous, ben, Colin, ça va déjà être la fin pour Assemblage Requis. Je regarde le temps passé. Oui, déjà. On s'est rendu jusqu'à 9h30, notre heure prescrite pour terminer l'émission. On remercie Catherine Anglois, la seule qui était à l'émission aujourd'hui. Oui. Autre que nous deux. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu. Ça me fait plaisir. Demain, l'émission, on va être mardi. Et déjà. Le mardi, ben oui, déjà. Ça passe vite, cette semaine-là, ça n'a pas l'allure. On a deux semaines de fait, deux jours, deux heures. Hein, deux semaines, deux jours, deux heures, en tout cas. Demain à 8h30, on va avoir la chronique du Zone Campus avec le rédacteur en chef adjoint Louis-Philippe Quentin. Ensuite à 9h, Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la Luître. N'oubliez pas le match de la Luître ce soir, oui, à 20h. C'est ce soir. À la Chasse-Galerie. Sur les ondes de C'est Fou à 11h, c'est comme toujours le Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite à 13h, la rediffusion de Rock Classique. À 19h, le Voyage insolite et 20h, Rock de Neurones. CIFU.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Sinon, ben, il nous reste genre 30 secondes à peu près pour jaser. Là. Ben oui, à peu près. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voter, pas? Ben oui, il faut aller voter aujourd'hui, hein, rappelez-vous. Jour d'élection fédérale. Ah, on ouais. en parlait un petit peu plus tôt. On ne s'en sauve pas. Alors, allez voter. Ouais. Même si vous ne savez pas pour qui voter encore, faites juste aller voter. Pareil. Même si vous ne savez pas c'est où la place, allez juste n'importe où et demandez « Je peux-tu voter ici? » Oui, comme Mathieu, qui ne sait pas où qui doit aller voter. Je sais pas c'est où cette rue-là, mais bon, je vais la trouver, je vais la trouver. Ça ferme à 9h30 ce soir quand même, fait oui. On devrait tous avoir le temps d'y aller. Et savais-tu que ça commence à 9h30 ce matin? Oui. On peut aller voter à partir de là. Là, là, comme dans une minute. Ouais, c'est ça, dans une minute. Allez, votez pas maintenant, c'est pas encore ouvert. Pas tout de suite. On se quitte, pas en road trip dans le bois, ni à Punta Cana, on se quitte pour Beyrouth. Voici Ooh. Gibraltar. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye. It's bottling.